Question 13. Pour aller à Gros-Breuil, je continuerai tout droit. Réponse A. Je tournerai à gauche. Réponse B. Je tournerai à droite. Réponse C.